tous et bienvenue à notre émission du Grain de sable d'aujourd'hui. Nous sommes le 20 septembre 2014 et aujourd'hui, on va parler, comme d'habitude, de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Nous réalisons cette émission avec le collectif Radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Québec. Et donc, je suis Marie-Christine Aubin, je suis votre animatrice pour aujourd'hui. On va partir depuis la semaine dernière, en fait, on met en ligne le contenu de nos émissions et vous pourrez discuter des thèmes de nos émissions sur la page Facebook aussi. Donc, c'est une invitation à nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité. Des sujets qui peuvent paraître de prime abord un peu coriaces. Les mesures d'austérité adoptées par le gouvernement canadien québécois et plusieurs gouvernements dans le monde qui font l'objet souvent de polémiques. Nous allons donc recevoir Claude Vaillancourt, qui est président d'Attaque Québec, pour présenter la dette publique. Et donc, on va parler de l'austérité que le gouvernement du Québec a adoptée, les mesures d'austérité que le gouvernement a adoptées récemment. Et ensuite, avec Étienne Blondeau, on va aborder un sujet qui peut paraître quasiment ésotérique pour bien des auditeurs, le sujet de la monnaie. La monnaie sonnante, la monnaie trébuchante, la monnaie papier. On va plonger dans une théorie un peu orthodoxe, en fait, de la monnaie, qui nous permettra d'envisager autrement la notion de dette. Finalement, nous recevrons une porte-parole de la Marche mondiale pour le climat, qui aura lieu notamment à Québec demain. Alors, c'est un programme bien rempli qu'on vous présente. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez commenter tous les sujets de cette émission en ligne sur notre page Facebook. Notre objectif, c'est que vous participiez justement à ces débats-là avec nous. Donc, est-ce qu'on est prêt à recevoir Claude Vaillancourt? OK. Donc, on va aborder, dans le fond, la question de la dette publique. Monsieur Vaillancourt a écrit une chronique dans le Journal des Alternatives au mois de septembre. Et je crois que c'est de ce sujet qu'il va nous parler aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Vaillancourt. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Oui, ça va très bien. Tout va bien au niveau technique. Parfait. Donc, on va parler aujourd'hui des mesures d'austérité qui ont été adoptées depuis les derniers mois par le gouvernement du Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, vous souhaitez aujourd'hui remettre les pendules à l'heure, un peu comme vous l'avez fait dans votre dernière chronique ou une de vos dernières chroniques en septembre, M. Vaillancourt? Oui. D'accord. Alors, donc pour résumer, les politiques d'austérité, c'est un ensemble de mesures qui visent à réduire au maximum les dépenses de l'État pour limiter sa taille. Quelle est la logique derrière les mesures d'austérité, selon vous? Ben, la logique, c'est la logique officielle, c'est de réduire le déficit, de réduire la dette, mais le résultat que ça donne, en fait, c'est, comme vous l'avez dit, une diminution du rôle de l'État, et aussi c'est le prétexte idéal pour privatiser davantage tout ce qui était public, parce que finalement, comme on n'a plus les moyens d'entretenir tous ces services, eh bien, il faut passer par le privé, et ça fait l'affaire, bien sûr, de bien des gens, le secteur privé, qui veut avoir depuis longtemps plusieurs de ces secteurs qui relèvent du public actuellement. Donc, c'est ça qui est un petit peu latent là, derrière les politiques d'austérité. Et pourquoi est-ce qu'on parle autant de dette publique, un sujet qui est présenté comme une urgence actuellement? Oui, ben ça, la dette, ça a toujours été le prétexte idéal pour appliquer des politiques d'austérité. On a eu des exemples pendant les années 80-90 dans les pays du Sud. On disait que la dette était absolument catastrophique. Et pour ça, on a appliqué ce qu'on appelait les plans d'ajustement structurel, une vraie médecine de cheval où on a coupé partout. Et finalement, on s'est retrouvé, c'est ça qui est paradoxal, on s'est retrouvé avec une dette qui est encore plus considérable après des années d'austérité qu'au départ. Alors, c'est exactement la même chose qui est en train de nous arriver. On applique l'austérité, puis c'est pas seulement, maintenant, c'est dans les pays du Nord, c'est systématique en Europe, aux États-Unis, et ça a comme conséquence de ne pas régler ce problème des déficits, de ne pas régler ce problème de la dette. On est pris dans une espèce de trappe, finalement, mais on continue quand même à appliquer cette politique. Mais si on se fie au dire de nos dirigeants, c'est une nécessité, c'est quelque chose qui est mathématique. On a une dette, on doit la rembourser. Et c'est à ce titre-là qu'on nous présente les mesures d'austérité comme étant nécessaires. Oui, hein, c'est ça. Donc, la dette, c'est une espèce d'obligation morale. Donc, c'est très, très fort comme pression, hein. Mais il y a deux choses. Premièrement, il faut regarder l'efficacité de ces mesures. Là, je viens de vous dire que ça, c'est pas quelque chose qui fonctionne finalement. Puis, deuxièmement aussi, il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette dette. On la présente soit comme une espèce de trou noir, là, comme une grosse masse, puis il faut absolument, oui, la rembourser. Mais on ne sait pas ce qui la compose, cette dette. Alors, d'où ça vient et à qui on doit? C'est des questions vraiment qui sont importantes, qu'il faut se poser. Qu'est-ce que c'est exactement aussi le montant de la dette? Il existe plusieurs façons de la calculer. Une façon dramatique qui peut nous montrer que, dans le fond, Québec, c'est aussi pire que la Grèce. D'autres façons qui vont beaucoup relativiser le montant de notre dette. Donc, on la connaît très mal, finalement, cette dette-là. Mm-hmm. Mais on en fait une espèce d'urgence nationale. Oui, il faut la payer absolument. Mais c'est vrai que pour une personne, un individu qui contracte une dette, il y a personne derrière lui qui va la rembourser à sa place. Donc, un individu, quand il a une dette, doit la rembourser, il doit prendre les moyens pour la rembourser. Puis c'est selon cette logique-là que l'État, on présente, que certains partis politiques présentent la dette comme quelque chose que le gros bon sens nous dit de rembourser. Donc, oui. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il y a différents calculs qu'on peut faire derrière la dette. Bien, c'est ça. En fait, si on vient à votre comparaison de l'individu, il sait très bien combien il doit et à qui. Donc, c'est clair. Alors, nous, c'est pas clair. Puis, deuxièmement, un État puis un individu, c'est pas la même chose. Hein. Un État a toutes sortes de responsabilités. Un État a des actifs qui sont quand même considérables. Un État aussi ne peut pas faire faillite d'une certaine manière parce qu'il doit assurer des services d'une façon obligatoire. Alors, comparer la dette individuelle à la dette de l'État, c'est deux choses qui sont quand même extrêmement différentes. Et quand on dit, par exemple, que chaque enfant naît avec une dette de X sur ses épaules, hein, c'est quand même quelque chose qui relève davantage de la démagogie. Mm-hmm. Donc, finalement, est-ce que vous pouvez... je sais que le but, c'était plus d'expliquer la différence, les politiques d'austérité et les moyens pour réduire la dette. Donc, juste pour mieux saisir la différence entre une dette d'État versus une dette individuelle, oui. Un État, pourquoi vous dites que ça peut pas faire faillite? Ben, c'est-à-dire que, oui, il y a eu des exemples de faillite. Par exemple, l'État d'Argentine qui a fait une faillite monumentale, mais l'État doit assurer des services, hein? Alors, sinon, c'est une espèce de déconfiture, puis c'est toute la population qui paye. Donc, ça veut dire que, l'État a des responsabilités telles, et ça, qu'on veuille ou non reconnaître là, l'importance de l'État, il y a tout un courant qui voudrait réduire l'État au minimum, mais n'empêche que c'est ça, ses responsabilités doivent être remplies. Alors, peu importe la situation économique, on a des gens à s'occuper, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ça demeure... ça demeure une différence fondamentale justement entre un individu puis un État. Un individu qui fait faillite, il en paie des conséquences. C'est assez terrible pour lui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un individu va mourir un jour tandis qu'un État ne meurt jamais? Ah, ça, c'est une autre différence, effectivement, que vous avez tout à fait raison de soulever. Hein. L'État continue, va toujours continuer, peu importe ce qui arrive. Puis l'individu, effectivement, a une existence limitée dans le temps. Donc, ça veut dire que l'État, sa richesse, puis le fait qu'il ne puisse pas faire faillite, c'est basé sur tous les gens qui sont membres de cet État-là. Oui, tout à fait. Okay. Oui. Quand on parle de dette, donc, comment est-ce qu'on a contracté ces dettes-là? Vous, est-ce que vous avez une réponse à ça? Oui, ça, c'est quand même assez intéressant. Puis ça, quand je dis qu'on comprend de la dette, là, c'est une question extrêmement importante. Alors, ce qu'on observe là, ces dernières années, et ça, on observe ça dans la plupart des pays occidentaux, c'est que les dépenses n'ont pas augmenté. Donc, les dépenses restent proportionnellement les mêmes. Hein? Alors, ça veut dire que la dette n'a pas augmenté parce qu'on dépense trop. Puis l'argumentaire de la droite, c'est beaucoup pour ça. On a trop dépensé. Alors, comme ça, puisqu'on a trop dépensé, bien maintenant, il faut resserrer notre budget, hein, pour compenser. Mais c'est pas ça qu'on a fait. En fait, comment ça fait que la dette a augmenté d'une façon aussi significative? Pour deux raisons. Premièrement, l'État s'est privé beaucoup, beaucoup de revenus par des baisses d'impôts des entreprises, baisses d'impôts des individus les plus riches aussi, évasion fiscale. Donc, d'une part, il y a ça. Puis d'autre part, pendant les années 90, on payait des taux d'intérêt beaucoup trop élevés sur la dette. Donc, à ce moment-là, ça a fait augmenter la dette parce que, finalement, les marchés financiers ont eu un tel appétit d'argent, de revenus provoqués par la dette de l'État, qu'ils ont, ils ont abusé de ce pouvoir-là. Mais qui a prêté à nos États, justement? Quand l'État ne peut pas payer, il emprunte à qui? Ah, il emprunte à toutes sortes de sources, finalement. C'est la détermination des taux d'intérêt. Donc, c'est ça qui fait que... et ça, c'est les marchés financiers qui ont déterminé le taux d'intérêt que les États devraient payer. Donc, l'État emprunte à toutes sortes de sources. Finalement, c'est extrêmement varié. Mais la question, c'est le taux d'intérêt. Et là, c'est très clair que pendant des années, on a payé un taux d'intérêt beaucoup trop élevé. OK. Puis ce taux d'intérêt-là, donc, il a été fixé par des banques privées, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. OK. Ouais. Parce qu'au Canada, pas seulement au Canada, là, mais il y a les banques dans le monde, des banques centrales qui fixent les taux d'intérêt pour toutes les banques qu'on dit à charte, c'est-à-dire toutes les banques qui vont ouvrir des comptes aux banques centrales. Oui, oui. Ces banques-là, est-ce que ce sont elles qui fixent les taux d'intérêt que les gouvernements vont payer? C'est-à-dire que, comment je pourrais dire, c'est que la dette devient, c'est les marchés financiers, finalement, qui vont vouloir, que, pendant cette période-là, tout simplement, c'est qu'ils sont dit que c'était un moyen pour eux d'aller chercher plus de profits. Hein. Alors donc, ils ont prêté de l'argent aux États, mais avec des taux d'intérêt qui étaient plus élevé que la norme. Normalement, là, les taux d'intérêt, ça, si on fait une moyenne, et ça, Piketty, dans son dernier livre, en parle beaucoup, c'est un taux d'intérêt de 2 %. Hein. C'est entre 1 et 3 % la fourchette habituelle. Hein? C'est ça, exactement. Et là, ça atteint des 4, des 5 %. Donc ça fait augmenter la dette d'une manière très, très significative. Hein. Ça prend pas beaucoup pour que la dette devienne énorme. Donc avec des dépenses énormes, des taux d'intérêt plus élevés, alors la dette augmente proportionnellement. Et avec ça, l'État qui se prive de revenus assez importants, bien, ça fait effectivement qu'il y a une augmentation de la dette là, assez significative. Mm-hmm. Donc, OK. Alors, pour récapituler, vous, ce que vous vouliez aborder, c'est que les mesures d'austérité, c'est un choix, finalement. Tout à fait, oui. Et donc, comment vous expliquez cet univers de choix-là qui se présente à nous quand il est question de dette? Ben, d'abord, les mesures d'austérité, c'est très idéologique. Hein? Là, il est très clair que dans tous les pays occidentaux, on a considéré que le seul moyen possible de régler le problème de la dette, c'est d'appliquer des plans d'austérité. Hein? Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que ça fait l'affaire de plusieurs personnes. Hein? Ça fait l'affaire de tous ceux qui veulent avoir éventuellement des services publics qui soient privatisés. Donc, ça crée des pressions pour ça. Et c'est un peu mystérieux pourquoi on accorde tant d'importance que ça, parce que même des institutions comme le Fonds monétaire international a dit que appliquer des plans d'austérité, ça peut avoir des conséquences extrêmement difficiles. Et en plus de ça, que c'est quelque chose qui favorise pas la reprise économique. Mais il semblerait que dans nos écoles d'administration, que aussi les idéologues qui influencent nos politiciens n'aient pas d'autres solutions à proposer que seulement ça, hein, et malgré la profonde inefficacité de ces mesures-là. Et ce, à travers le monde. Donc, ça veut dire que ce serait une solution qui est présentée par plusieurs idéologues internationaux. Ah oui, c'est ça. Les plans d'austérité sont appliqués dans à peu près tous les pays, au nord, au sud, en Europe, en Amérique, en Asie. C'est vraiment quelque chose qui est systématique. Et derrière ça aussi, je pense qu'il faut dire, il y a l'idée de réduire l'importance de l'État. Hein, parce que aussi, en appliquant des plans d'austérité, l'État se prive de pouvoir. Tout ce qu'il fait, et on le voit très bien, là, le gouvernement libéral, c'est la seule politique de ce gouvernement-là, du gouvernement Couillard, c'est vraiment de couper partout, hein, de réduire le plus possible les services publics. Et faisant ça, là, ça veut dire qu'un État, c'est un État qui se prive de moyens, et la grande entreprise est tout à fait heureuse de voir un État qui est privé de moyens, qui lui donne plus de pouvoir et plus de marge d'action. OK. Vous vouliez aborder le fait que c'est possible de faire des audits citoyens sur la dette, en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne, un audit citoyen sur la dette? OK. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose, c'est plusieurs organisations internationale ou locale, finalement, qui voit comme la solution au problème de la dette. C'est ce que j'expliquais, c'est comprendre la dette. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la dette? Alors, on se pose plusieurs questions. D'abord, à qui on doit? Hein, ça, c'est très important. Combien on doit? Donc, on examine vraiment et quand on dit citoyen, mais là, c'est non-partisan. C'est-à-dire des gens qui regardent un petit peu la dette. Ensuite, dans la dette, est-ce qu'il n'y aurait pas une partie, une dette qui serait illégitime? Est-ce qu'il n'y aurait pas une dette qui aurait été contractée de façon illégale? Hein? Alors, c'est toutes des choses qu'il faut qu'on regarde. Alors, nos camarades de France l'ont fait, d'Attaque France, ils ont vraiment regardé, finalement, ce qu'il y avait dans la dette. Et ils se sont rendus compte que, finalement, la dette avait été trop élevée en France pour la raison que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui ont été plus élevés qui auraient dû être normalement. Et deuxièmement, aussi des cadeaux fiscaux. La France aurait fait des cadeaux fiscaux là, en quantité vraiment importante. Donc, des cadeaux fiscaux, vous voulez dire dans certains secteurs? C'est-à-dire aux individus très riches et aux grandes entreprises, finalement. C'est là que les cadeaux fiscaux ont été orientés. Alors ça, c'est la conclusion auxquelles ils sont arrivés. D'autres pays, par exemple, c'est intéressant que l'Équateur a fait un audit citoyen de la dette et ils se sont rendus compte qu'il y a une partie importante de la dette qui avait été faite aux dictateurs. Alors, ils ont décidé de ne pas payer cette dette carrément. Là, on ne paye plus cette dette parce que c'est une dette odieuse qui avait les dictateurs s'étaient servis de l'argent pour réprimer le peuple. Et comme le gouvernement a arrêté de payer ça, il y a eu une espèce de panique, c'est-à-dire que le titre de la dette de l'Équateur a perdu beaucoup de sa valeur. Le gouvernement a racheté ces titres de la dette qui ne valaient plus rien et il a réglé là une grande partie de sa dette et l'argent qui est consacré autrefois à payer de la dette, bien, il consacre maintenant à financer les services publics. Donc ça, c'est quand même quelque chose, un modèle à suivre, un exemple tout à fait intéressant. OK. Je suis désolée, Monsieur Vaillancourt, j'aurais beaucoup aimé continuer, mais il va falloir qu'on vous coupe parce qu'on est rendu déjà à la pause musicale. Bon, ben. Vous avez écrit sur ce sujet-là, j'imagine? Oui, c'est ça. Donc, on pourra mettre le lien de votre article sur notre blog. Oui. D'accord? Oui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps, Monsieur Vaillancourt. Oui, c'est moi qui vous remercie. Bonne émission. Au revoir. Merci, au revoir. Le président a déclaré la mort du peuple ce matin. Il a failli nous faire pleurer. Il avait tellement de chagrin. Le premier ministre agacé nous a dit qu'il faudrait s'y faire. Il était tellement affolé qu'il a mis sa veste à l'envers. On est resté le cul par terre. Et puis on a regardé en l'air. Au-dessus des maisons, le soleil s'est rayon. Au-dessus des maisons. Au-dessus des maisons, le soleil. c'était Mickey 3D avec La mort du peuple. Vous êtes de retour à l'émission Le grain de sable et nous sommes à présent en compagnie d'Étienne Blondeau, qui est bachelier en sciences politiques, qui est aussi maintenant dans notre équipe pour l'émission de radio et qui voulait nous présenter une théorie peu connue sur la monnaie et l'État. Donc, préparez-vous, chers auditeurs, nous entrons dans la monnaie. Bonjour, Étienne. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, vous? Oui, très bien. Comment et pourquoi t'es-tu intéressé à cette théorie que tu vas nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie économique qui s'appelle le néochartalisme, un nom assez long, on va en convenir. J'ai croisé ça pas mal au hasard sur Internet. C'est que je m'intéresse à savoir c'est quoi les alternatives au discours dominant, ce qu'on peut appeler l'orthodoxie qui est enseignée dans nos cours d'économie. Mm-hmm. Et une orthodoxie qui commence en fait à décevoir les étudiants en économie. Par exemple, au Québec, il existe un mouvement étudiant pour un enseignement pluraliste de l'économie qui okay. a parti une pétition. Dernière nouvelle, c'est environ 250 signatures. Donc, quand il est question d'austérité, de qu'est-ce que notre État devrait faire, il est intéressant d'avoir une diversité dans les réponses, pas simplement s'en tenir aux dogmes qu'on entend tout le temps. C'est pour ça que j'ai étudié cette théorie-là qui s'appelle le néochartalisme. OK. Mais faisons simple, on va d'abord passer à cette austérité-là. Claude Vaillancourt mm-hmm. nous en a parlé tantôt. Moi, j'ai regardé ce mot-là, austérité, je voulais en apprendre plus là-dessus. J'ai vu que c'est un mot qui, en fait, provient du latin, du mot qu'on utilisait en latin pour dire qu'un goût était amer, pour dire qu'une couleur était sombre, et même du mot grec qu'on utilisait pour dire ce qui assèche la langue, en fait. Si je résume, c'est comme une sensation assez désagréable. Okay. C'est ça que semble être l'austérité, quelque chose qui va être désagréable, qui va faire mal. Alors, quand un gouvernant arrive et propose un budget d'austérité, il va peut-être essayer d'adoucir en utilisant des synonymes, en disant un plan de rigueur, en parlant de sévérité, de refroidissement ou de choses dans le genre. En fait, moi, ça me rappelle un peu l'image de Winston Churchill qui se présente à son peuple pour promettre que trois choses, du sang, de la sueur et des larmes. Je pense qu'on peut en convenir. Oui, ça oui. va faire mal. Alors là, moi, je me pose cette question-là. Quand c'est tout ce qu'un gouvernant propose à son peuple, un traitement de choc, on est vraiment en droit de se demander, mais est-ce que c'est la seule option possible? Est-ce mm-hmm. que ça se pourrait que l'austérité est en fait complètement inutile? Moi, c'est mon avis personnel d'après mes lectures sur la monnaie. Okay. Alors, j'y vais rapidement. Je vais juste faire un tour des faits à retenir sur la monnaie. D'abord, les pays industrialisés modernes ont leur propre monnaie. T'sais, le Japon a son yen, les États-Unis ont son dollar américain. Nous, ici, au Canada, on a notre dollar canadien. Et j'exclus les pays européens qui ont l'euro. Parce que eux, c'est comme la France qui a abandonné son franc. Eux, mm-hmm. les pays européens, n'ont pas le contrôle de leur monnaie. Ils ont l'euro, qui c'est est partagé ça. Dans toute la zone euro. Oui. Oui. Alors, je prends l'exemple canadien. Le Canada contrôle son dollar canadien, le UR. C'est une monnaie qui repose en fait sur rien. Ça fait des décennies qu'elle n'est pas échangeable en or. C'est une monnaie qui est en fait contrôlée par la banque centrale de notre pays, mm-hmm. c'est la Banque du Canada. Mm-hmm. Elle se charge de créer cette monnaie. Cette monnaie-là, en fait, est souvent électronique. C'est rarement de la monnaie en papier ou de la monnaie en métal. C'est surtout des transactions qui se font par de la monnaie électronique. Alors, il s'avère que les dollars canadiens peuvent être créés à volonté, peuvent être créés instantanément et électroniquement. Par exemple, il faut regarder comment Ottawa dépense. Ottawa travaille de concert avec la Banque du Canada à la moindre de ses dépenses. À chaque fois qu'Ottawa dépense, en fait, il crée des dollars canadiens. Si, admettons, un fonctionnaire d'Ottawa émet un chèque, par exemple un retour d'impôt, vous offre un chèque de 20$ comme retour d'impôt. Si vous déposez ce chèque de 20$-là à votre banque, à Desjardins, c'est un 20$ qui est créé. C'est pas des dollars qui proviennent de quelque part. Ils sont créés au moment même où vous déposez ça dans votre compte à Desjardins. OK. Bon, on va continuer à discuter de ça après Kenny Arcana, qui va nous faire tourner autour du soleil. Mais d'abord, je voudrais juste te demander, Étienne, de m'expliquer comment en fait, il crée cette monnaie-là. En fait, est-ce que c'est basé sur l'économie réelle? Est-ce que c'est basé sur le travail que les gens font et tout ce qu'on construit au quotidien? Ou c'est basé sur... Quand tu dis rien, qu'est-ce que tu veux dire par rien? Ce que je veux dire, c'est que c'est une opération faite par des fonctionnaires dans la banque centrale d'un pays. Par exemple, dans une interview en 2009, il y a celui qui dirige la Banque centrale des États-Unis, là, la Federal Reserve, qui s'appelle Ben Bernanke. Lui, il était en interview à CBS, je crois, une émission qui s'appelle 90 Minutes. Et lui, c'est ça, il disait que l'argent qu'on dépense, c'est pas de l'argent des taxes, il est créé. Il est créé par quelqu'un de la Banque centrale qui augmente un compte en banque du montant désigné. OK. Donc, ça veut dire que c'est créé avec... c'est quasiment... On appuie sur un bouton, on crée de l'argent. Ouais. Et donc, ça n'a plus rien à voir avec l'économie réelle. C'est ça que tu dis? Oui, ça, c'est ce que le dirigeant de la Federal Reserve confirmait. C'est comme ça que ça se fait à tous les jours, en fait. Un fonctionnaire qui augmente de 20 $ un montant. Bon. S'il y a un chèque de 20 $ émis par le gouvernement. OK. Continuons donc après cette pause pour discuter aller plus en profondeur sur cette théorie. À force de faire tout ça, on croyait quoi? On se meurtrit, on fait l'amour, comme on s'essuie? Quel gaspillage! Mais il faut pas que tu désespères, perds pas espoir. Promis juré qu'on la vivra, notre putain de belle histoire. Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand. Qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard. Imagine-toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar. Quand tout à coup tu croises un regard qui te perfore de part en part. Imagine-toi, t'es là, ça te tombe dessus sans crier gare. Un truc bandant, un truc dément qui redonne la foi. Offre-moi dès ce soir ta peau brunée, tes lèvres mauves, tes seins, tes reins, tes cheveux noirs, et qu'on se noie dans les nuits faux. En échange de tout ça, je t'offre ce dont je dispose, mon corps, mon âme, prends tout tout de suite, et qu'on se noie dans les nuits faux. Bien sûr qu'on sait qu'ici c'est pas Hollywood, sauf que dernière nouvelle, le fantasme c'est encore gratuit. Et ouais. C'est pour ça qu'on se réfugie dans nos pensées, qu'on ferme les yeux très fort jusqu'à voir des couleurs en attendant que ça passe. Y'a que comme ça qu'on peut rêver de caresses au réveil et de regards qui veulent dire t'inquiète plus, t'inquiète plus. De coups de poing dans le cœur, de 40e qui rugissent dans nos poumons, à faire sauter les côtes, de torrents dans nos veines, d'une épaule pour pleurer sans honte et d'une oreille pour tout dire, toujours quoi qu'il arrive. De serments argentés prononcés face au rayon vert. Est-ce que tu veux m'épouser, vivre et mourir à mes côtés? On rêve de réapprendre à respirer, que la médiocrité qui nous accable aille se faire enfler au Pakistan. On attend désespérément celui ou celle qui apaisera d'un doigt nos muscles noués et nos encéphales en sous-régime. On attend désespérément celui ou celle qui fera battre notre cœur plus grand. C'est pour ça qu'il faut pas que tu désespères, perds pas espoir. Promis juré qu'on la vivra, notre putain de belle histoire. Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand. Qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard. Imagine-toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar. Quand tout à coup tu croises un regard qui perfore de part en part. Imagine-toi, t'es là, ça tombe dessus sans crier gare. Un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi, un truc comme ça. Je voudrais qu'on remonte un escalier en courant catapulte tous nos vêtements. Bonsoir, que tu me fasses l'amour jusqu'à l'aube pendant 2000 ans. Que le soir, au soleil couchant, on se fasse des serments. Je voudrais partager tes nuits. J'ai tant besoin qu'on se noie dans les nuits froides. Je voudrais pas. J'ai tant besoin qu'on se noie. J'ai tant besoin qu'on se noie dans les nuits froides. Je voudrais le soir. J'ai tant besoin qu'on se noie. Pour son numéro d'automne, le magazine culturel et artistique Bazar nous parle du théâtre québécois et de ses succès à l'international. Parce qu'étonnamment, le théâtre de Québec semble être bien connu et que la ville abrite une mine de talents insoupçonnés. Connaissez-vous Jean-Nicolas Marquis, Kevin McCoy et Marie-Josée Bastien? Pour découvrir leur vision artistique ainsi que celle de nombreux autres ambassadeurs de notre théâtre, lisez Bazar. Disponible gratuitement chez 300 partenaires participants. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. En septembre, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 7 septembre, l'événement Kino Québec. Le 10, les rencontres internationales du documentaire de Montréal débarquent à Québec et présentent le documentaire Le Baiser de Tosca. Le 17, les aventuriers voyageurs en Birmanie. Le 18, l'Opéra national de Paris, La Traviata. Le 21, l'événement Antitube. Cet automne, procurez-vous la carte Abonne Clap 10 ou 15 films et économisez jusqu'à 40% sur le prix régulier. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. En lo alto del cerro de Palomares. Flamenco, tap celtique, gumbo d'Afrique du Sud. Vous pouvez maintenant vous inscrire à la session d'automne de l'École de danse Migration. Classe de niveau initiation intermédiaire et avancée en flamenco, tap celtique et gumbo. Obtenez une réduction de 15 $ en utilisant le code de promotion CKRL au moment de votre inscription. Horaires et inscriptions à migration avec un S, danse.com. Dans le cadre de la rentrée culturelle, le Cercle vient de dévoiler l'ensemble de sa programmation musique. Il accueillera sur scène nul autre que The Silverman Zion Memorial Orchestra, Dead Obies, Secret Chiefs 3, La Femme, Ben Frost, Corias, Candle et plusieurs autres. Découvrez dès maintenant la programmation art et culture du Cercle ainsi que l'ensemble de ses autres sphères d'activité au www.letraitdunioncercle.ca. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Alors, on est de retour avec l'émission Le Grain de Sable et vous venez d'entendre Wax Taylor. On est avec Étienne Blondeau qui nous parlait du lien entre l'État et la monnaie et plus précisément, il présente la théorie d'économistes anglo-saxons, une théorie plutôt hétérodoxe, il faut dire. Donc, je te laisse la parole, Étienne. Oui, donc c'est ça, je reprends là où j'en étais, simplement que les dépenses courantes des gouvernements qui ont leur propre monnaie, c'est... permet de créer de la monnaie. Donc, quand Ottawa, c'est ça, dépense de l'argent, le gouvernement d'Ottawa crée par le fait même de l'argent. Et vu qu'il dispose de sa propre monnaie, là, le dollar canadien, Ottawa, le gouvernement fédéral, ne peut pas tomber en faillite, il ne peut pas manquer d'une monnaie qu'il crée lui-même. Alors, quand les théoriciens dont je parlais, là, les néo-chartalistes, parlent de ça, c'est très intéressant pour l'austérité, parce que ça fait remarquer que s'il n'y a pas de risque de faillite, l'alternative peut être d'utiliser ce pouvoir-là de dépenser et de créer de l'argent pour aider l'économie. Moi, ça me rappelle, en fait, c'est un exemple qui soulève souvent, ça me rappelle les guerres mondiales. La Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, le Canada investissait très fortement dans l'économie et dépensait, si je peux dire, sans compter. Il n'y avait pas de personnes qui parlaient d'austérité en temps de guerre. On mobilisait une nation tout entière et le gouvernement s'investissait vraiment avec des montants énormes pour combattre l'ennemi. Mais il a quand même emprunté le gouvernement pour justement investir dans toutes ces dépenses militaires-là. Oui, mais il y a une capacité de dépenser infinie qui faisait que, c'est ça, les dépenses pouvaient être aussi énormes que l'exigeait la situation. Ce que les néo-chartalistes avancent, c'est qu'on pourrait déployer des efforts semblables, mais pour combattre autre chose que des ennemis extérieurs, pour par exemple combattre le chômage. Moi, et je vais sûrement terminer là-dessus, ces auteurs-là sont plus du genre à demander à ce qu'on instaure un emploi garanti. Ce serait par exemple si Ottawa disait qu'il fournirait un emploi à absolument tous les Canadiens qui en feraient la demande. Ce serait d'ouvrir des bureaux ici et là à travers le pays, ou est-ce que si on s'y présente et on dit « je suis chômeur, je désire avoir un emploi », on s'en ferait fournir un par comme des fonctionnaires. Ça, le gouvernement pourrait donner un emploi, créer un emploi pour une personne qui en a besoin. Oui. Mais ça, comment l'État ferait pour choisir combien d'emplois et quel emploi il doit donner à qui? En fait, ce serait des comités citoyens. Les théoriciens dont je vous parle préfèrent la participation démocratique. Donc, il y aurait des comités dans chaque quartier où on déterminerait, mais quels travaux devraient être faits ici? Est-ce qu'il y a un parc à rénover? Est-ce qu'il y a un immeuble à rénover? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont d'intérêt public à faire dans le coin? Alors, il faut voir qu'est-ce que les quartiers et les communautés elles-mêmes désiraient faire. Donc là, on parle de quartiers qui ont des besoins réels, des besoins d'intérêt public. Et d'un côté, on a des chômeurs qui ne sont pas en activité. Alors, le but, c'est tout simplement de réunir les deux pour un intérêt public. Mais c'est quoi le lien entre les chômeurs, les emplois, puis l'austérité? L'austérité, en fait, dit que pour améliorer notre situation, il faut couper de manière, je dirais, obsessive dans la dette publique. Mais si la dette n'est pas un problème, parce que l'État qui a sa propre monnaie peut faire des paiements dans sa propre monnaie à volonté, eh bien, il n'y a pas à se soucier de la dette, il peut se soucier des problèmes réels, des personnes réelles, chômeurs. Et toi, tu parles d'une dette qui est fondée sur la spéculation. Hein? Quand tu parles de dette, est-ce que tu parles de la même dette dont Claude Vaillancourt parlait tout à l'heure? Moi, je m'adresse seulement aux dettes nationales pour des nations qui ont leur propre monnaie et ont le plein contrôle sur leur monnaie. La dette n'est pas problématique puisqu'ils peuvent faire tous leurs paiements là-dessus. Donc, ils n'ont pas emprunté à des banques centrales ou à des banques privées? Leur propre banque centrale va honorer tous les paiements okay. pour le gouvernement qui le contrôle. Donc, si Ottawa a à faire des paiements sur sa dette et elle peut être de la grosseur que vous voulez, eh bien, ces paiements-là sur la dette vont être honorés mm-hmm. par la Banque centrale du Canada qui va créditer et créer de l'argent. Intéressant tout ça. Donc, quelles sont les conséquences que pourrait avoir une théorie comme ça? L'application de ce type de mesure-là? Moi, je vais reprendre l'exemple argentin. En Argentine, en 2002, après la grave crise économique mentionnée par Claude plus tôt, ils ont décidé de mettre les chômeurs au travail. Ça, c'est en 2001, hein? Ouais, en Argentine. C'est la crise en 2001. Après, avec leur propre monnaie, étant souverain au niveau de la monnaie, ils ont décidé de endiguer la crise humanitaire, en fait, dans le sens qu'ils allaient mettre au travail leurs chômeurs. Ce plan-là s'appelait le plan Jefes y Jefas, où est-ce que si un père ou une mère de famille, ben, pour nourrir ses enfants, a besoin d'un emploi, il se présente au gouvernement de l'Argentine et dit « je désire un emploi » et on lui en fournit un, ou est-ce qu'on va le mettre au travail pour de la maintenance, des travaux publics, ou même le payer pour se mettre à l'entraînement pour apprendre des métiers. Et la différence que ça a fait pour l'économie en Argentine? Ça a été très utile parce qu'il y a près de 2 millions de chômeurs qui ont été mis au travail et qui ont pu aider leur communauté en faisant des travaux d'intérêt public pour leur localité. Et en fait, ça a atteint même 5% de la population totale qui participait à ce programme-là. Ça réduit tous les indices de la pauvreté. Ça a amélioré le niveau de vie des pauvres de là-bas. Ça a permis à des gens qui étaient sur chômage de se mettre finalement de se mettre au travail, c'est-à-dire de contribuer à créer de la richesse. Je dis ça en guillemets parce que c'est un mot qui est souvent utilisé pour dire que quand emploi égale richesse. Là. Donc finalement, les gens qui ont eu cet emploi-là ont permis à contribuer à la relance, économique. Oui, parce que si tu crées de l'argent, si tu crées un emploi et que tu crées de l'argent pour fournir des salaires à des personnes qui étaient chômeurs avant, eh bien, ils vont utiliser cet argent-là et le dépenser. Ils vont aller au restaurant, ils vont aller dans des boutiques, ils vont faire vivre l'économie locale par de l'argent créé par un gouvernement avec la monnaie qu'ils contrôlent et qu'ils peuvent créer à volonté. En fait, il aide les communautés, il aide les chômeurs qui y vivaient. C'est-à-dire qu'en Argentine, là, est-ce qu'il y a plusieurs monnaies en compétition? Il y a une seule monnaie nationale qui est utilisée partout? Ben, il y a cette monnaie nationale-là qui est employée pour le plan FSIFA, c'est pour les dépenses courantes du gouvernement argentin. Oui. Intéressant. Donc, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur cette notion-là que tu nous apportes aujourd'hui avant qu'on passe à notre prochaine invitée? Oui, je termine très rapidement. Juste pour dire que lorsqu'on examine des théories sur la création monétaire, ça nous permet d'avoir une plus grande idée de l'État, une idée ambitieuse de l'État, un État qui peut se servir de cette monnaie-là qu'il crée pour régler les problèmes des gens, très simplement. On arrête de voir l'État comme quelque chose qui doit être de plus en plus petit et inutile, comme une tirelire qui serait plus vide chaque jour que la veille. On le voit comme un État qui est capable d'aider le monde et qui se mettra en action, comme dans le temps du New Deal de Roosevelt, peut-être. OK. Donc, l'État fait partie intégrante de la prospérité, si on veut, absolument. Dans cette théorie-là. C'est absolument crucial. Pour ne pas dire qu'elle est au centre de la prospérité. Moi, je serais peut-être d'accord avec ça, oui. OK. Ce sera pour une autre émission. Donc, merci beaucoup, Étienne Blondeau. On est en présence aujourd'hui d'une invitée qui est porte-parole du mouvement Stop Oléoduc Capitale Nationale. Pourquoi est-ce qu'on l'a invitée à Lisée Cochon? C'est parce que demain, il va y avoir une marche mondiale pour le climat qui va rassembler des gens de plusieurs centaines de pays dans le monde. Bonjour, Alizée. Bonjour, merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui va se passer demain? Oui, en fait, demain, c'est une marche en soutien à un événement qui a lieu la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, il y a un sommet historique qui débute le 23 septembre. C'est un sommet à l'initiative de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui invite, en fait, les différents leaders internationaux pour créer un nouvel élan dans la lutte au changement climatique. Il souhaite qu'il y ait des annonces officielles et importantes de de réduction de gaz à effet de serre, mais également des mesures de résistance au changement climatique qui ont déjà lieu dans beaucoup de pays, et également mobiliser les volontés politiques pour un accord juridique en 2015. Donc, nous, précédant ce sommet-là, on organise des manifestations un peu partout à travers la planète, notamment, surtout à New York, comme aura lieu le sommet aux Nations Unies, mais également ici à Québec, on espère quelques centaines de participants. Quelques centaines, donc on s'attend à voir... À Québec, on espère minimalement 300 participants, mais vraiment à travers le monde, c'est un rassemblement qui est historique. Mm-hmm. Il y a des pétitions en ligne, notamment sur le site Avaz, tant les pétitions en ligne que nous, partout à travers la planète, on vise à démontrer notre appui aux leaders pour que les choses bougent dans la lutte au changement. Que les choses bougent. Donc, c'est vraiment un appel à l'action. Tout à fait. Comme il y en a eu déjà, hein. Il y a déjà eu des marches mondiales pour le climat avec des appels à l'action. Il y en a eu en 2009. Il y en a eu à peu près à tous les rassemblements de tous les COP, finalement. Mais là, aujourd'hui, c'est particulier. Hein. Demain, ça va être différent de ces autres marches-là. Qu'est-ce qui distingue cette marche-là des autres? Bien, en fait, à la nuance avec les différentes COP, les conventions cadres des Nations Unies, la différence, c'est que c'est pas des négociateurs qui sont invités ou des ministres. C'est vraiment les leaders qui sont attendus sur place. Bien sûr, nous, notre cher premier ministre Stephen Harper, cette année, a décidé de ne pas s'y présenter. C'est pas une surprise pour nous. D'ailleurs, à une précédente rencontre, il avait préféré aller à une ouverture d'un Tim Hortons plutôt que participer aux négociations et aux annonces. Parce qu'il considère que c'est pas un enjeu qui existe réellement. Il considère que c'est une manipulation politique, le changement climatique. Oui, et surtout probablement parce qu'il marche main dans la main avec les compagnies pétrolières des sables bitumineux. Et nous, au Canada, particulièrement la marche de demain, à Montréal, en fait, au Québec, il y a une dizaine d'événements qui se passent un peu partout dans la province. Et nous, ce qu'on vise vraiment, c'est démontrer notre appui à la lutte au changement climatique, mais également en lien avec le projet de Trans-Canada qui viserait l'expansion des sables bitumineux, qui sont le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au Canada. Donc. OK. Je suis sur le site de jevoteprouleclimat.fr. C'est le site officiel de la Marche mondiale pour le climat. Ce qui est écrit, c'est que le constat, c'est que la lutte au changement climatique est un échec. C'est un enjeu majeur et on constate que l'année 2010 a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, 2011 la plus chaude jamais enregistrée en France. Donc voilà, on énumère comme ça des faits. 22 ans après Rio, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce sommet-là qu'il va y avoir demain? Le sommet a lieu lundi. Ce qu'on peut espérer vraiment, c'est des annonces fortes. On vise peut-être un prix Kyoto, que les États annoncent des nouvelles cibles de réduction de gaz à effet de serre. Puis aussi des mesures, comme je disais tout à l'heure, là, de résistance au changement climatique. Il y a une annonce d'ailleurs cette semaine qui fait état que des réfugiés des changements climatiques, il y en a trois fois plus actuellement que des réfugiés de guerre. Oui, puis ces réfugiés-là n'ont pas encore de statut légal, hein, si j'ai bien compris. Il faudrait rouvrir la Charte internationale sur les réfugiés pour qu'ils aient un statut reconnu. Je peux pas confirmer cette information-là, mais c'est certainement des réfugiés qui sont oubliés. On n'en parle pas beaucoup dans les médias. On parle des réfugiés liés à des inondations, des tsunamis, des choses comme ça. On va entendre parler de l'événement en soi, mais pas des gens qui subissent par la suite ces changements climatiques-là. Donc, qu'est-ce qu'on demande demain à la Marche mondiale pour le climat aux dirigeants? Ou est-ce qu'on demande aux dirigeants ou on fait plus un appel à la population? On fait un appel essentiellement à la population. Nous, ce qu'on va faire demain à l'Assemblée nationale, c'est très symbolique. On va demander aux enfants de dessiner, par exemple, à la craie, ce que représente la nature sur eux, sur le parvis de l'Assemblée nationale. On va également avoir une grande boîte postale symbolique dans laquelle on va déposer les affiches, les messages des participants. Puis ces messages-là seront transmis par la suite à nos élus de l'Assemblée nationale. OK. Et puis, donc, qui organise cette marche-là? Il y a Stop Oléoduc? Oui, c'est essentiellement Stop Oléoduc Capitale Nationale, un regroupement de citoyens qui vise l'arrêt du projet de Trans-Canada au Québec. Puis, c'est vraiment une marche qui est organisée par les citoyens. Là. Par les citoyens. Donc, c'est pas des ONG, il n'y a pas Greenpeace, Équiterre et autres qui sont derrière. C'est certain que plusieurs participants dans le comité sont affiliés avec différents organismes environnementaux. Mais c'est vraiment quelque chose que l'on fait tous là, de façon citoyenne. De plein gré. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Élisée Cochon. Merci. Donc, petit rappel, la marche demain, c'est un rassemblement sur le parvis de 13h à 15h. De 13h à 15h. Oui, voilà. Donc, c'est une invitation à ceux qui sont intéressés. Et donc, on va aller aujourd'hui avec le calendrier des activités progressistes de la semaine à Québec. Merci. Sionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... C'est maintenant le temps de vous suggérer des activités engagées à Québec. Bonjour, Michael. Bonjour, bonjour. Alors, je te laisse la parole. Oui, donc, comme à chaque semaine, on va vous présenter quelques-unes des actions citoyennes, quelques-unes des nombreuses activités. Vous pouvez toutes les voir sur le média réseauforum.org. Vous pourrez voir tous les détails là. Je passe très vite. On a d'abord mentionné le forum social Bas-Laurentien qui a lieu à Saint-Mathieu-de-Rioux. Ça a lieu maintenant. Ça se termine demain, dimanche à midi. Encore une fois, vous pouvez trouver ça sur Internet. Ce samedi soir, donc aujourd'hui, je vous en nomme juste trois. Il y a La rue, la nuit, femmes sans peur. Donc, c'est une marche pour les femmes, mais aussi queer, etc. À 20h, à l'église Saint-Jean-Baptiste. Il y a aussi le 40e anniversaire du journal Droit de parole. Ça, c'est à 17h30 au Tam Tam Café, dans le quartier Saint-Roch. Troisièmement, le souper bénéfice pour les enfants de Gaza. Ça, c'est à 18h au centre du Rocher, dans le quartier Saint-Sauveur. Demain, dimanche, on vous en a déjà parlé, je vous le rappelle, il y a la marche mondiale pour le climat. Donc, essentiellement, je vous dirais pour arrêter le développement du pétrole et remplacer ça par un développement des nouvelles énergies, nouvelles technologies. Donc, à 13h devant l'Assemblée nationale. C'est bien ça. Aussi, je rappelle qu'il y a plusieurs marchés publics qui ont lieu maintenant. Profitez-en parce que ça va se terminer bientôt. Ce samedi, il y en a un dans Saint-Sauveur aujourd'hui. Demain, il y a un marché public à Limoilou et dans Saint-Jean-Baptiste. Lundi, la journée sans voiture. Vous pouvez deviner c'est quoi? C'est pas un événement très précis, c'est tout simplement qu'on vous encourage à aller au travail sans votre voiture. C'est une journée internationale. En soirée, lundi, il y a une projection qui se nomme Anticosti, la chasse au pétrole extrême. Ça, c'est à 18h30 à la bibliothèque Gabriel-Roy. C'est suivi d'une discussion avec les Amis de la Terre de Québec. Donc, évidemment, on peut pas nommer tout le reste, on va manquer de temps. Mais je veux quand même vous informer que les gouvernements vont signer ce 26 septembre l'accord Canada-Europe. Il n'y a eu aucune consultation publique. En fait, les textes sont même pas encore rendus publics qui vont le signer. Donc, par conséquent, il y a une grosse manifestation à Ottawa ce 26 septembre. Et il y a même un autobus qui va partir de Québec et de Montréal. Donc, vous pourrez voir tout ça sur réseauforum.org. Excellent, Michael. Ça a été assez bref. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'accord économique? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je sais que c'est ton sujet. Je peux en dire quelques mots rapidement. Oui. Ben, d'abord, c'est le simple fait qu'il n'y a pas eu de consultation et que les textes n'ont pas été rendus publics officiellement, à part pour un fonctionnaire allemand qui a fait une fuite à quelque part. On n'a pas eu le temps de le lire. Quel fonctionnaire allemand qui a fait une fuite? Ben, c'est secret. C'est anonyme. C'est une source anonyme qui l'a divulgué. Sur WikiLeaks? Je sais pas. Non, ça a été donné à un média allemand. tout simplement. Okay. Donc là, ça veut dire que toutes les populations de l'Europe et nous au Canada, au Québec et tout le monde, on n'a pas accès au texte. On ne sait pas ce qu'est vraiment le contenu. On a une idée. Je donne juste un exemple. Il y a ce qu'ils appellent le principe du clapet, qui est essentiellement que quand tu privatises un service, selon eux, selon leurs accords, tu n'as pas le droit de reculer. Donc, supposons que la Ville de Québec privatise un service, conclut que ça ne marche pas, c'est pas fonctionnel, on devrait le rendre public. Selon leur accord, on n'aurait pas le droit de faire ça. Qui est un peu loufoque. Je sais pas, moi, il me semble qu'on est supposé être une démocratie. Je trouve le principe assez abject. L'OMC, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est juste un exemple. OK. Bon. Bon, on pourra parler de ce sujet-là, d'ailleurs, je pense, dans une prochaine émission. Mais on arrive déjà à la fin. Donc, c'est le mot de la fin. Je vais d'abord remercier nos invités. Donc, Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, qui nous a parlé d'austérité, et Alizée Cochon, porte-parole pour la Marche citoyenne pour le climat qui aura lieu ce dimanche à Québec. Remerciements aussi à toute l'équipe qui rend cette émission possible. Étienne Blondeau, bachelier en sciences politiques et membre d'Attaque Québec, qui a coordonné cette émission d'aujourd'hui. Michael Lessard, webmestre pour le calendrier du réseau Forum social Québec-Chaudière-Appalaches. David-Maxime Sanson à la technique. Pour écouter en ligne nos émissions ou pour les commenter, visitez notre site, notre blog legrainsableqc.wordpress.com, et vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook. On a bien hâte de vous lire. C'était Marie-Christine Aubin-Côté, votre animatrice pour cette émission. Sur ce, demeurez à l'antenne pour ce qui suit, les geeks contre attaque sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. Avec rien, car je n'ai trouvé que des substituts éphémères. M'entends-tu, m'entends-tu, le bonheur ne me laisse pas bien. Tu blesses bien mieux ceux qui m'ont piqué un peu. C'est malheureux, mais je m'abstiens. Mais je t'en veux pas de pas m'aimer. De ce temps-là, je fais pareil. Je fais semblant. Perdre en arrière de mon nez, tout bien à cause qu'il y a personne qui me veille. Mais je t'en veux pas de pas m'aimer. Si j'étais toi, je ferais pareil. Puis si un jour je t'émerveille, ben ça sera pas la faute du ciel. J'ai les deux pieds dans le corbeil. J'ai les deux pieds dans le corbeil. J'ai les deux. Heureux pareil, mais je suis quand même dans Corbeil, mais je suis quand même dans Corbeil. Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Il est fait en pâte, peut-être pas en guimauve finalement. Ouais. Ouais. Bon. Ben écoute. Aussitôt dit, aussitôt frais. Sur ce. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant. Qui va piloter le Faucon Millennium? Ben, pourquoi qui? Ça va être Han Solo? Ou ça serait pas Han Solo, hein? À date, oui. C'est pas Han Solo. C'est pas. Comment non, c'est pas Han Solo. C'est pas Han Solo. En tout cas, peut-être qu'on va voir. Ah, c'est vrai, Harrison Ford chauffe des hélicoptères, c'est un.